Écoutez les énoncés et remarquez la place de l'accent à la fin des groupes rythmiques. 1. Ça va bien. 2. C'est pas vrai. 3. J'en achète. 4. Excuse-moi, je te dérange. 5. Tu sais bien. 6. Et alors, elles sont parties. 7. Il fait beau, mais il fait froid. 8. Reviens-tu avant midi? 9. Il est absent jusqu'à mercredi. 10. Il faut que je vous laisse. Je dois partir à 9h. 11. Il est arrivé mercredi par le train. 12. On vous attendra tous les deux à l'entrée. 13. Pour les renseignements, c'est tout droit, près de la porte. 14. Elle a terminé vendredi comme prévu. 15. J'ai déjà vu ça quelque part en marchant. 16. Je suis arrivée tôt hier matin, sans raison. 17. Denis l'a rencontré en juillet, en Gaspésie.